Jean Ollier, pensée choisie sur le culte de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Texte inédit publié par Georges Le Tourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916. Deuxième partie, culte de la Très Sainte Vierge. Markendanarchive.org. 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Pour les besoins de la synthèse vocale, le latin est traduit. Chapitre 1er. Les grandeurs de Marie. Éminente sainteté de Marie. La Sainte Église emprunte, au jour de l'incarnation, pour exprimer les grandeurs de la Mère de Dieu, les paroles de cette femme de l'Évangile qui s'écriait « Heureux le sein qui a porté le Fils de Dieu ». Et bienheureuses les mamelles qui l'ont allaité. Luc 11, 27. Cette sainte maternité est en effet digne de toute vénération. Mais pour montrer la valeur de l'âme de sa mère, animée et possédée pleinement par le Saint-Esprit, notre Seigneur répond qu'elle est bien moins heureuse pour avoir porté son corps, que pour être en possession pleine et entière de sa substance divine, dont elle éprouve les fréquentes opérations. Quelle instruction précieuse pour nous! Un Dieu préfère à Marie considérée comme sa mère selon la chair, une âme qu'il aura conçue en son cœur et qui opérera en la vertu et en la grâce de son esprit. Mais aussi quelle lumière cette parole ne jette-t-elle pas sur les magnificences de l'intérieur de la Sainte Vierge? Elle possède son Fils tout entier, en son esprit, en son corps et en toute la plénitude de la divinité et de ses perfections. Jésus est passé en elle, il l'a fait passer en lui et l'a pleinement consommé. Cette consommation, à laquelle est élevée l'âme de la Sainte Vierge, est la dernière à laquelle puisse parvenir une créature. Jésus-Christ répand en elle son être, comme en une capacité immense. Il la pénètre, la possède et l'absorbe tellement, qu'il ne laisse rien en elle qui ne soit en quelque manière lui-même. Oh, qui pourra comprendre ce que Marie est à Jésus et ce que Jésus est à sa mère? Les termes d'épouse, de sœur, de bien-aimée, de toute belle sont insuffisants au Fils de Dieu, pour dire ses sentiments à l'égard de son Église. Quel terme pourrait donc exprimer ces mouvements d'amour et de tendresse pour la Sainte Vierge? Ce tout aimable Jésus la remplit si universellement, qu'il ne lui laisse pas de capacité pour aimer autre chose que son bien-aimé. Quand elle veut agir, c'est toujours en lui et par lui, quand elle veut rendre à Dieu ses devoirs, ou recevoir de sa bonté les effets de ses grâces et de ses miséricordes, c'est en lui et pour lui, elle ne peut rien avoir que pour lui. Apostolat de Marie. Si l'Église est pénétrée, vivifiée et animée par notre Seigneur, si elle est comme un cristal pénétré par le soleil, la Sainte Vierge l'est d'une bien autre manière. Elle possède dans l'éminence de l'Esprit et de la grâce tout ce qu'il y a de grand et d'auguste dans l'Église. Si elle n'exerce pas de fonction visible comme l'Église, elle agit d'une manière sortable à son état, à son sexe et à sa condition de mère. Si elle n'offre pas immédiatement Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin, elle l'offre immédiatement à Dieu dans le temple. Si elle ne fait pas extérieurement la fonction d'apôtre, quoiqu'elle ait reçu en plénitude l'Esprit de Jésus-Christ l'apôtre universel, elle a un zèle immense pour la gloire de Dieu, et elle possède la puissance intérieure pour procurer et envoyer secrètement, par les voies de l'Esprit et de l'amour divin, des serviteurs de Dieu par tout le monde. C'est cet apostolat de Jésus en Marie, qui doit gagner tous les cœurs à Dieu et renouveler toute l'Église. Jésus-Christ qui jouit de toutes choses en elle, avec plus de plaisir que s'il ne les possédait qu'en lui-même, est ravi de la voir renouveler tout le clergé, sanctifier les peuples par des voies inconnues. et dilater sa religion pour Dieu dans tous les membres de l'Église. Ô adorable communion de Jésus formant l'admirable intérieur de Marie. Le Père éternel n'a aucune perfection qu'il ne communique à son Verbe, et Jésus n'en a aucune qu'il ne communique à Marie. Le Père éternel n'opère rien au dehors que par son Fils, et la Sainte Mère de Jésus le voit habitant en elle et opérant par elle tous les biens de l'Église. Le Père est en Jésus avec toutes ses bontés, et il communique par lui ce qu'il veut distribuer aux hommes. De même Jésus en Marie la rend comme le réservoir et le réceptacle de ses bienfaits et de ses richesses. Il les renferme en elle et veut les répandre par elle sur tous les hommes. De là vient que Jésus se trouve en Marie, et Marie en Jésus, l'apôtre et le pontife de toute l'Église, la lumière et la vie de toute créature. Merveille de l'âme de Marie. Cet intérieur si peu connu de la Sainte Vierge mérite d'être infiniment respecté et honoré. Quoiqu'elle fût entièrement transformée en Jésus-Christ, Marie ne laissait pas cependant d'avancer toujours, et de faire sans cesse de nouveaux progrès dans cette transformation divine. Quoique Jésus fût en elle, dès le principe, en toute l'étendue de ses perfections, et qu'il n'y eut rien en lui dont elle n'eût reçu quelque participation, il allait pourtant s'insinuant, se fortifiant et s'augmentant de plus en plus en elle, jusqu'à ce qu'elle fût parvenue à son état parfait, c'est-à-dire au moment de sa mort bienheureuse. Elle éprouvait, à cause de cela, une faim et une soif insatiables de la justice. Elle demandait sans cesse l'accroissement universel de toutes les vertus, et jamais elle ne cessa de soupirer après sa transformation parfaite en son Fils. Quelle merveille ! Tout ce que Jésus aura opéré de prodigieux dans les âmes, depuis la création du monde jusqu'au jour du jugement, il l'a formé dans le cours précieux de la vie de sa mère, et il l'a formé plus parfaitement, plus saintement et plus divinement qu'il ne le fera dans toute l'étendue des siècles. Il n'y a pas lieu d'en être surpris. Si ce divin Sauveur, après être remonté au ciel et être rentré dans le sein de Dieu, répandit sur les apôtres les prémices de son esprit, et les plus abondantes richesses qu'il ait versées depuis dans son Église. Combien plus fécondes et plus abondantes furent les grâces qu'il répandit en sa mère, lorsqu'il descendit de son trône éternel. Quand il vint en elle, il était, dit l'Écriture, comme l'époux sortant de sa couche divine, tout embaumé des parfums de son Père, tout enivré des délices de Dieu, tout absorbé dans l'amour, il voulut retrouver en elle le sein d'où il était sorti. Il en fit un ciel où habitait la plénitude de la divinité, une demeure digne du grand mystère qu'il venait accomplir, un palais pour célébrer les saintes noces par lesquelles il allait s'unir à son Église. Il voyait se réaliser, en toute leur étendue, ces dispositions qu'il venait recommander à ses disciples, « Soyez semblables à mon Père. » Soyez tout pénétré de ces perfections dans lesquelles seul je puis trouver mes délices au milieu des enfants des hommes. Il vivait dans cet intérieur comme dans le sein de son Père, il s'y répandait en joie et en béatitude. C'était le sanctuaire où il rendait à Dieu ses devoirs en toute la plénitude de son amour. C'est le temple de la religion chrétienne, où fut rendue à Dieu sur la terre la première adoration, la première louange et le premier amour parfait. C'est là que le Verbe, égal à son Père et impuissant à lui rendre dans l'éternité les devoirs de la religion, se trouve, en notre chair, capable de le magnifier en toute l'étendue de ses grandeurs et autant qu'il est adorable en lui-même. Faisant participer sa mère à son amour et à sa religion, il la rend adoratrice parfaite en esprit et en vérité, et en fait, s'il est permis de parler ainsi, la seconde religieuse de la majesté de Dieu. Le ciel et la terre n'ont rien qui approche des dispositions de Marie. Aussi sa grâce était l'un trésor plus grand que tout ce que les séraphins, les chérubins, le reste des anges et des saints, en pourront jamais posséder. On trouve éminemment en elle toutes les adorations, toutes les louanges et tout l'amour dont sont capables les créatures les plus sublimes. Jésus, cette unique louange de Dieu, cette voix qui, selon l'Apocalypse, se fait entendre comme la voix d'une multitude, cette voix qui résonne par la bouche de toute créature, mais qui n'est parfaite qu'en sa source, cette voix est renfermée en Marie, comme dans un écho qui la reproduit, en sorte que, selon les pères de l'Église, Marie est l'expression de tout le Verbe, et qu'elle est en lui toute louange de Dieu. Elle répète, avec son Fils et en son Fils, tout ce qu'il dit à son Père, et devient ainsi, en son intérieur, l'objet des plus parfaites complaisances de la Sainte Trinité. Vie de Jésus en Marie. Cette vie éminente de Jésus en Marie mérite tous nos hommages, et il n'y a pas de société religieuse qui ne doive s'estimer heureuse d'être appelée à l'honorer. L'Église est toute portée à une dévotion si agréable à notre Seigneur, et si utile à tous ceux qui la pratiquent. La Sainte Vierge elle-même nous invite à la faire connaître, quand elle nous dit, par la voix de l'Église, que ceux qui éclairciront le mystère caché de sa maternité et de la vie inconnue de son Fils en elle, auront part à la vie divine qu'elle possède. Qu'on est donc heureux d'être appelé à honorer cette vie tout aimable et tout adorable de Jésus en Marie. Il ne faut rien épargner pour se mettre en état d'y avoir quelque part. Quand notre Seigneur communique sa vie divine, c'est nécessairement en un degré inférieur à celui dans lequel il la possède. Quoique sa divine mère soit favorisée de ses plus abondantes communications, quoiqu'elle reçoive tout ce qu'une pure créature peut porter de grâce, quoique son âme dilatée par la puissance de l'Esprit Saint soit rendue capable de l'immensité de ses dons, sa vie sera toujours bien moins parfaite que celle de Jésus et Dieu tout ensemble. Cependant, comme elle reçoit la plus abondante participation à la vie dont Dieu anime sa créature, et que la vie de Jésus en Marie est la plus parfaite dont ce divin Sauveur vive hors de lui-même, c'est à cette vie que les prêtres et les clercs doivent aspirer, puisqu'ils sont la portion la plus sainte et la plus éminente de l'Église. La vie de Jésus en sa propre personne est comme le Saint des Saints. Le Pontife suprême seul peut y pénétrer, les autres n'y ont point d'accès. Mais la vie de Jésus en sa mère est une vie de communication, elle est le modèle de celle des fidèles, qui ne pouvaient aspirer qu'à la participation de la vie que Jésus-Christ répand hors de lui-même. Ainsi la Sainte Vierge, en son intérieur, est comme le Saint, ou le sanctuaire des prêtres, qui, dans l'ancien temple, bien qu'inférieur au Saint des Saints, le touchait néanmoins de fort près. C'est dans le sein que l'on offrait le sacrifice des parfums, et ce sacrifice a toujours été offert dans l'intérieur de la très sainte Vierge. Les 12 pains de proposition, qui étaient dans le sanctuaire et qui servaient de nourriture aux prêtres, expriment le divin intérieur de Marie. Cet intérieur, selon l'expression de nos saints livres, est comme un monceau de froment. Il est l'aliment des âmes consacrées aux autels qui doivent être nourris des plus pures, des plus saintes et des plus éminentes communications de Jésus-Christ hors de lui-même. Le chandelier à 7 branches, chargé de flambeaux et de lumière, exprimait encore cet intérieur rempli des dons du Saint-Esprit et de la religion universelle de Jésus-Christ. Il faut que les prêtres qui sont établis de Dieu pour éclairer l'Église et pour être, en notre Seigneur, la lumière du monde, aient sans cesse devant les yeux ces communications parfaites de Jésus à sa mère, pour les adorer et pour y participer, autant que le demande leur saint ministère. C'est Marie qui reçut les premiers mouvements de la vie de Jésus et les prémices adorables de son esprit vivifiant. C'est elle qui la première fut remplie des trésors immenses de sa divine charité. Elle est ainsi, entre les pures créatures, le chef-d'œuvre des mains de Dieu, elle est sur la terre le sujet de ses complaisances et de ses délices, et, seule, elle lui donne plus de satisfaction que tout le monde ensemble. Elle est un miroir limpide où son divin Fils est si naïvement exprimé, que celui qui voit l'intérieur de Marie voit l'intérieur de Jésus. Comme celui qui connaît le Verbe connaît le Père, à cause de l'unité de leur essence et de leur perfection, celui qui contemple Marie contemple Jésus, à cause de l'unité de l'Esprit qui les anime et qui communique à l'un et à l'autre, bien que non dans la même étendue, la même vie, les mêmes perfections, les mêmes dispositions et les mêmes sentiments.